Là c'est le J, RK Kobalade, mode d'agence par la presse. Numéro 1 d'entrée, saute pas ou t'as papier. Direction ton nez, elle partait cellophanée. Fini condamné, bouquet je te monte en l'air. Et dans qui j'alterne, on est ganté. On fait du rap et des affaires à côté. J'ai raté le train, je reviens sur un refrain. J'ai fermé le terrain juste avant les condés. Salut mon vieux, tu me reconnais. Je vis terre, je vais en été, passe mes soirées à rencontrer. Et la putain de ta mère, on l'a fait en indé. J'fais un kilo d'herbe, sa mère on le récupère. On est ensemble les riches, perdu B, j'reprends en showcase. On est vrai de vrai, parce qu'on s'en cache une deuxième. Tellement insolent, sourire aux lèvres pour les quais. Ça fait rien, chargé dur, on est rechargé dur. Fallait le dire, c'est ta peur, fallait le dire. Chargé dur, on est rechargé dur. J'm'en bats les couilles, j'fous le baisse tout. Ça tout tes potes, fallait le dire. La moula, de la moula, de la moula, de la moula. Faut plus que faire, tu tombes en moula. Faut que tu sois malade, c'est ta locale mérite. Avant de poissonner, passer les lames, y'a rien de mieux que le nuit. Le dit 4 anneaux. Maintenant, c'est mal, pas trop, c'est mal aîné. Je monte le niveau et j'accueille les deux. Je compte dans le RS, toi tout noir, toi ouvre. Quand je m'arrête au feu rouge, je ramène une clope, j'ouvre la fenêtre. Je me rabatte au volant. J'ai bossé, j'ai rien volé. Et numéro 1, c'est ce que Dieu a voulu. 10 millions de vues sur ma chaîne, et je suis toujours dans le bateau. La plupart de mes ennemis savent bien où j'habite. Là où je cache. Et pour pas changer, faut des dents 54. Des guerres pour frère rouge et LK, on vous objectif pas. Chargé dur, on est gros chargé dur. Fallait le dire, c'est ta peur, fallait le dire. Chargé dur, on est gros chargé dur. J'm'en bats les couilles, j'fous le baisse tout. Tous tes potes, fallait le dire. J'suis un personne, moi, je rentabilise chaque mois. Le flingue dans l'armoire, vidéo calé pour le pas. Loi, même si t'es armé, wacken, fais de la deux. T'inquiète pas, y'a les outils dans la part. Y'a environ 10 millions de tirs, et les salopes tirs. On est dans la tue, dans ton cul, et nous quand ça tire. C'est pas que sur YouTube, dis-moi tu, moi tu vu. Zéné, plus de garde à vue. J'suis un fait patron, Dieu, fonce toi, t'as mon âge, t'es à la fée. Moula, moula, moula, moula, bah. Désert, toi t'es, tu ne me verras pas. Plus de mi-père, j'm'arrête pas. Ce que tu suces, c'est ce combat. Je veux ma part, pile à l'heure, il t'a barbé. Oh là là, rafale et bastarda.